Que Dieu vous bénisse. Ami Bariki. Nous sommes dans la joie puisque aujourd'hui encore l'Esprit peut parler à nos âmes. Uko katika furaha kwani leo tena roho itasema na manafsi zetu. Nous sommes encore dans les jours de grâce. Tuko tena mu masiku ya neema. Où une âme qui vient à Christ peut obtenir miséricorde. Mule nafsi yenye kumkaribia Kristo itapata tena rehema. Aujourd'hui, leo hii, je vais arrêter pour cette fois ici avec la prédication. Tasimamisha na mahubiri yangu. Je tiens à remercier l'homme de Dieu, le pasteur Ngoi Ndai. Mina mshukuru mtumishi wa Mungu Ngoi Ndai qui a accepté que je vienne partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Kula ritikia nipate kuya na kukabulana na mwe ile Bwana aliweka mu moyo wangu. Que Dieu le bénisse beaucoup. Mungu amubariki sana. Et qu'il bénisse aussi en particulier sa famille qui m'a encadré vraiment comme un bien-aimé. Abariki kwa upekee jamaa yake ile rinichunga sawa mupendwa. J'en suis reconnaissant. Niko na washukuru. Je remercie aussi l'église qui est venue nous écouter. Nashukuru tena kanisa ile ilikuja juu ya kusikia. Oui. Ndio. C'est parce que vous êtes là. Ni juu mko wako. Que nous puissions prêcher. Ndio pale tu kuna hubiri. Si vous n'êtes pas là, kama mwamunako, notre ministère ne servira à rien. Utumishi yetu haitasaidia kukitu. Amen. Amina. Et vous m'avez soutenu par votre présence. Namurinjishikamisha kupitia uwepo wenu. Par votre amour. Kupitia mapendo yenu. Et par vos prières. Na kupitia maombi zenu. Que Dieu bénisse ceux qui prient pour ceux qui sont dans les besoins et les hommes qui sont en voyage missionnaire. Mungu abariki bale banaombea batumishi ya Mungu beko musafari habari njema. Vraiment, vous êtes une bonne église. Kweli kweli mko kanisa mzuri. Pas puisque vous avez un grand bâtiment. Aina sema jumu kuna kinyumba kinene. Ou parce que vous êtes un grand nombre. Wala mko watu mingi. Vous êtes une bonne église par l'esprit qui règne au milieu de vous. Alakini mko kanisa mzuri kupitia roho ile kuna dumu katikati yenu. Et par la communion qui vous lie. Na kupitia ushirika ile inamiunganisha. Aimez-vous d'un cœur sincère. Mupendane na mapendo ya uwaki. Et soutenez-vous les uns les autres. Na mupate kushikana mkono kwa mkono pamoja kwa mengine. Si Dieu le permet. Kama Mungu tena kiruhusu. On se verra. Tutaonana. Si pendant qu'on se sépare et qu'il vient prendre son église, kama wakati ile tuko naachana na mwe yake anakuja kuchugua kanisa lake, ma prière est que je vois les visages présents ici dans l'au-delà. Maombi yangu ni akamba nipate kuona hii uso ni kunaona hapa kule ngambo. Mais pour cela, alakini juu ya ile, tenez fort, mushike imara. Nous ne sommes pas au pique-nique. Hatuna kufazi ya michezo. Nous sommes au combat. Alakini tuko katika vita. Prenez toutes les armes. Muchugue masila zote. L'ennemi est réel. Adui ni wakweli. Et la victoire aussi est réelle. Ushindi nayo ni yakweli. Certifiez que la victoire est nôtre. Muhakikishia kwamba ushindi kukungambo yetu. Puisque l'ennemi avec qui nous combattons, kwani adui mwenye tunapigana naye vita, c'est un ennemi vaincu. Ni adui ule banaisha kuwina kumushinda. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Bari mushinda ka zamani kule kumsalaba Golgotha. Amen. Amina. Vraiment, je vous aime. Hakika na mipenda. Puisque vous êtes digne d'être aimé. Kwani munastahili kupendewa. Et je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Nasalimia pia banduku banatufata munjia ya internet. Nous vous aimons. tunabipenda. Et que Dieu vous bénisse. Na Mungu amibariki. Amen. Amen. Vous les aimez aussi? Na mwe munabapenda pia? Agitons les mains. Mutenkeshe mikono. C'est bien. Ni mzuri. Que Dieu vous bénisse encore. Mungu amibariki mara tena. Je vais faire une petite récapitulation. Nawezi kurudiria mukidogo. Nous avons parlé de la du bonheur de la première résurrection. Tulisemea yulu ya furaha ya ufufuko ya kwanza. Nous avons dit à l'église. Tulisema na kanisa. Que la résurrection est une réalité. Ya kwamba ufufuko ni mambo ya kweli. Nous faisons tous nos efforts pour que nous soyons le participant de la première résurrection. Ili tupate kuwa bashiriki ba ile ufufuko ya kwanza. Cela n'est pas un forcing. Ile aina tu mangufu bule. Aina za kukazimisha. Ce n'est pas forcing. Mais cela dépendra des dispositions de chacun de nous. Alakini ile tafuatana na tayarisho ya kila mmoja wetu. Cela dépendra de ce que vous croyez. Itafuatana na ya kile munaamini. Dans le christianisme, muki Kristo, on expérimente banaonjaka seulement et seulement ce que vous croyez dans votre cœur. Paka tu kile unaamini mumoyo wako. Vous l'aimez, unampenda, vous allez vous y appliquer. Utajitoa kabisa. Ah! Amen. Amina. Et j'ai dit, il ne peut pas y avoir de résurrection. Namelisema kuwezi kufanika ufufuko s'il n'y a pas la mort. Kama kwanza kwanza hakuna kufa. Nous avons montré à l'église tulionesha kanisa que notre combat ya kwamba vita yetu n'est pas contre la mort. Aina ya kukombanisha lufu hapana. Non. Hapana. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Sisi hatuna watu ya pente hapana. Qui sème la panique. Wale wanashikirisha watu boka. La peur. Kuleta boka mbantu. La foi véritable, imani ya kweli, bannit la crainte. Ikunaondosha boga. Si vous obéissez à Dieu par peur, kama ukimuti Mungu kwa kongopa, le jour viendra où vous allez commettre ce que vous pensiez abandonner. Siku ikunakuja utatenda bila uwazia sema unabiacha. Mais dans la chrétienté, alakini muki Kristo, nous servons Dieu par amour. Tunamtumikia Mungu ni kwa mapendo. Nous avons réalisé ce qu'il a fait pour nous. Tulitambua kinyali alitufania. Amen. Amina. Et on a dit, na, tulisema tena, la mort lufu ne peut pas advenir si on n'a pas vécu. Ayezi kuyako kama atukuishi. Oui. Ndiyo. La mort lufu est un moyen de transport. Yoyo ni kitu cha kutusaidia kusafiri. Bon. Kizuri. Oui. Ndiyo. Paul nous a exhorté Paulo alitusubutisha à accepter la mort qu'elle est pour nous. Ya kwamba mwitikie ya kwamba lufu ni yetu. Prenons deux personnes. Tuchugue watu wawili. Qui doivent aller à Kinshasa. Wale wanapenda kusafiri kwenda Kinshasa. L'un, mmoja, il part dans la prison de Makala. Anaenda ni mprison ya Makala. Puisque il a violé. Jua likaba, alibaka. Puisque il a tué. Jua liuana. Pour lui, kwake yeye, l'arrivée de l'avion, kufika kwa ndege ya kuenda nayo, ce serait une chose odieuse. Itakuwa kitu kibaya kwake. Qui sème de la terreur. Ile tamuletea boka. Puisque après avoir utilisé ce moyen, kwani yeye kisha kutumia ile ndege, il va atterrir dans une tribulation. Atenda kuishia ni mumateso makubwa. Vous me comprenez? Munanielewa? Mais l'autre, alakini huyu mwingine, il a été promis. Bali mupandisha cheo. Il quitte Lubumbashi. Anatoka Lubumbashi. pour Kinshasa. Je aende Kinshasa. Il doit servir au ministère. Je attenda kutumikisha kutumika kule ku chochiku. Comme un autre jeune garçon Sama. Sawa kiana wetu Sama Lukonde. Il est parti de Lubumbashi. Ula alitokea Lubumbashi. Faire Kinshasa. Anaenda ku Kinshasa. Il doit devenir premier ministre. Je anapasha kuwe araisi wa kwanza. Mais la nuit. Alakini usiku pour lui kwake yeye était trop grande. Ilionekana sana lefuka. Il fallait qu'elle s'achève. Ilipashi usiku ikatike. Parce qu'il va régner. Jue konenda ni kutawala. Amen. Amina. C'est comme ça la mort pour un chrétien. Njomu ile namuna lufu iku namkuia mkristo. Dans la chair, Mumuili, nous demeurons loin du Seigneur. Tukumbari na Bwana. Mais si nous mourons, alakini tukikufa, nous nous approchons de lui. Tunamkaribia Bwana. Alléluia. Amina. Pour nous, la mort ne nous panique pas. Wetu sisi lufa itushitushe itulete boka pana. J'ai déjà vu les saints partir. Nesha onaka batakatifu beko naenda. Entre autres, j'ai vu le pasteur Mukendi quand il partait. Ah, nalionaka pastori Mukendi wakati alikuwa naenda. C'est vraiment la paix. Kweli ni salama. La joie. Ni furaha. J'étais dans la salle de réanimation. Nalikuwa mule mchumba ya réanimation. Je l'ai vu comme souriant. Nalimuona sawa yuko nacheka, anafurahi. Anafanya mikono hivi. J'ai dit à la sœur médecin qui était avec moi. Nikamwambia yule dada munganga alikuwa pamoja nami. Ma sœur, le frère est parti. Namwambia dada yangu nduku yetu yanaenda. Et le médecin me dit, non, pasteur, ne dis pas ça. Munganga nasema hapana pastori usiseme vile. Bakaanza kuwayawaya kutafuta kia kufanya. Un moment donné. Samoya fulani. Ce qu'il mettait dans son corps. Kile aruwa kuwa namweka mwili. Était refoulé. Baritosha. Ils ont dit. Bakasema. Le pasteur est parti. Pasteur bien quoi il est allé. Bila kuangaika ngaika. Mais quand vous voyez quelqu'un mourir, mukiona mtu mkufa, anaanza kuangaika ngaika na lalamika lalamika. Il n'a pas un destin meilleur. Manake ana na kule konenda kuzuri. Alléluia. Amina. Et nous avons dit la vie. Na tulisema kwamba bujima. Et la guérison. Na utunzo. C'est Dieu qui accorde. Ni Mungu nje kona ileta. Personne ne peut prétendre donner la vie. Akuna ou guérir. Hakuna mtu anaweza kudizania sema analeta anaweza kuleta mshima wala kutunza. Ile ni mambo tu pekee ya Mungu. A 100%. Mia kumia. Amen. Amina. C'est pourquoi? Je kwa mana? Croyez réellement. Muamini kweli kweli. La mort ne va pas vous terroriser. Ya kwamba lufu aliwezi kumishikirisha boka. Amen. Amina. J'ai parlé. Nalisema tena. Qu'il y a deux morts. Ya kwamba kuku makufa mbili. L'une. Kufa kwa kwanza. Le Seigneur Jésus nous a exhorté. Bwana Yesu alitusubutisha. Disant. Na kusema. Ne la craignez pas. Ya kwamba musiogope. Puisque c'est un sommeil. Wani ile ni kulala busingizi. Quand quelqu'un dort. Wakati mtu akilala. Certainement on va le réveiller. Hakika batamuamusha. C'est la sortie de l'âme de ce corps. Ni kutoka kwa nafsi muhimu ili. Le corps qui est la poussière. Mwili yenye kwa mavumbi. Doit rentrer à la poussière. Ile napashi kurudia mavumbi. Oui. Ndio. C'est une mesure gracieuse de Dieu. Ninja tu ya neema ya Mungu. Puisque avec le péché. Kwani pamoja na zambi. Le corps de la chair, de la poussière. Hii mwili ya bu ya mavumbi. Est incapable de supporter l'éternité. Haina na uwezo kuvumilia milele. Amen. Amina. Sinon vous serez réduit en ridicule. Kama haina ile utapatisha haya. Vous serez chosifié. Utafaniwa kwa kitu. Pour le besoin, Dieu a itaji, il faut que quelqu'un te secoue. Il n'a pas chopé comme toi que ça aidé Dieu a itaji fulani, y a pas na. Dieu quand il nous a vu dans cet état là. Wakati Mungu alituona mwili ali. Il a prévu. Alitayarisha. Le sommeil. Kulala usingizi. Alléluia. Amen. Mais une chose. Lakini kitu kimoja. Formidable. Ya mastajabu. C'est Dieu. Ni Mungu. En qui nous avons cru. Huyu Mungu mwenye tuliamini. Nous honore. Anatuheshimisha. Oui, mes frères. Dio mandugu zangu. Pendant cette vie. Mui maisha. Si vous croyez réellement. Kama ukiamini kweli kweli. Le Seigneur vous honore. Bwana Mungu atakuheshimisha. Il fait que ton entourage. Atafanya kwamba wale wanakuzunguka bapate kuheshimia. Ta famille. Jamaa yako. Te respecte. Ikuheshimie. Si cela n'est pas ainsi. Kama vifanyike vile. Vous prétendez croire. Manake unajisania kuamini. Pendant que vous n'avez pas encore cru. Wakati ila uyaamini. Pourquoi? Jia nini? Nos œuvres. Matendo zetu. Nous rendent un respect. Inatuletea heshima. Même dans nos familles. Hata majamaa zetu. On nous respecte. Bana tuheshimu. Pourquoi? Jia nini? Nous portons celui qui est respectable. Kwani tuna ule mwai wa kuheshimia. Alléluia. Amena. Et lui, na yeye, fait qu'on puisse nous respecter. Anafanya kwamba na sisi batuheshimu. Qu'est-ce que vous êtes frère? Uko nini ndugu yangu? Devant nos autorités. Mbele ya benye mamlaka. Quand vous vous présentez. Wakati ukisimama kule. Ils se mettent même debout. Bo benye banasimama bwimba. Pour vous recevoir. Juu ya kupokelea. Non, puisque vous avez un corps bien bâti. Aina sema juu kuna mwili mwaya mnene ya ni cheyon. Wala kafokoma. Mais puisque le Seigneur est avec vous. Lakini ni kwani Bwana Mungu yuko pamoja nawe. Si vous le déshonorez. Kama ukimupatisha haya. Il va aussi te déshonorer. Naye atakupatisha haya. Amen. Amina. Retenons la chose. Tushike ikitu. Et de tout cœur. Na moyo wote. Le Seigneur honore. Bwana Mungu yuko na heshima. Bale banamheshimu. Pendant notre vie. Mu maisha yetu. Même pendant la mort. Hata katika kufa. Le Seigneur. Bwana. Ne nous abandonne pas. Hawezi kamwe kutuacha. L'église est avec moi. Yesi kanisa mnafuata. Nous avons parlé de l'abîme. Tulisema yulu ya shimo. Vous descendez. Mule mukwa na shuka. Tous les vivants. Bale bajima bote. Les infidèles. Basipo kuamini. Et les croyants. Na baminifu. Mais dans les séjours de mort. Alakini mule makao ya bafu. Le Seigneur qui n'est pas injuste. Bwana Mungu asipo kwa mzalimu. Pour oublier l'œuvre de tout un chacun. Juu ya kusabu kazi ya kila mmoja. Il nous prépare un endroit là dans le séjour de mort. Ana tutarisha fazi mule mu mafazi ya bafu. J'ai dit à l'église. Na alisema na kanisa. Le séjour de mort. Makao ya bafu. Escindé en trois. Baliweka mbipande tatu. Yale. Kurukua. LR. Kipande kimoja. LR. LR. Qui s'appelle lié de repos. Manake fazi ya mapumziko. Et il y a LT. Na kukutena LT. Qui est le lié de tourment. Fazi ya mangaiko. Dans le séjour de mort. Mule mu makao ya bafu. Et un grand abîme. Na shimo munene. Pour les croyants qui mouraient. J'avais vale na kufa. Il descendait dans le lieu de repos. Barikwa naenda mule mufazi ya mapumziko. Alléluia. Amina. Et les pécheurs qui mouraient aussi. Na batenda zambi nabo vale barikwa na kufa. Descendait dans le lieu de tourment. Barikwa naenda mufazi ya mangaiko. Quelle grâce. Nema kanile. Quelle grâce. Nema kanile. C'est pourquoi la mort pour nous n'est pas grave. Je comprends na lufu kwetu haina mambo ya hatari ya mbaya. Amen. Amina. C'est Dieu. Ni Mungu. Il est bon. Eko mwema. Pour ceux qui le croient. Kwa wale wanamuamini. Pour ceux qui le respectent. Kwa wale wanamheshimu. Pour ceux qui croient en lui. Kwa wale wanamuamini yeye. Il a une récompense dans sa main. Eko na malipo mu mikono yake. Alléluia. Amina. Quand tous les hommes se sont retrouvés dans le séjour des morts. Wakati le bantu bote barijikuta mule mu makao ya bafu. Lui a dit. Yeye alisema. Ce n'est pas ça la fin de chacun. Il a njo mwisho ya kila mtu hapana. Hapana. C'est ainsi qu'il a promis la résurrection. Juko maana alilaka ufufuko. D'abord, la résurrection pour tout le monde. Kwanza kwanza ufufuko ya bantu bote. Ils vont ressusciter pourquoi? Bote watafufuka juu ya nini? Les uns. Bamoja. pour l'héritage du royaume de Dieu ya ya et les autres na pour la condamnation du ya. Et cela na ile, au dépend de votre position vis-à-vis du plan du salut que le Seigneur a conçu. Ile yote kuna fuatana na msimamo yako mbele ya mapu ya wokovu ile Mungu alitunga. Amen. Amina. Puisqu'à la résurrection, kwani pa ufufuko, selon son rang, kila mtu atafufuka kufuatana na mstari yake. Si vous mourrez adultère, kama ukikufa musharati, vous ressusciterez adultère. Utafufuka tena paka musharati. La mort lufu ne changera rien. Haitakubadilisha kitu hata kimoja. La messe. Mamisa ne changera rien. Haitabadilisha kitu kwako. La prédication. Hata mahubiri nyeba tahubiri. Ton corps mbele ya kitumba yako ne changera rien. Hayezi kukubadilisha kitu. Vous mourrez ivrogne, unakufa mulevi, fumeur de chambre, mfutaji wa bangi. Vous ressusciterez aussi, utafufuka tena, ivrogne, paka mulevi, fumeur de chambre, na mfutaji wa bangi. L'amour n'aura rien modifié. Lufu haitakubadilisha kitu. La prière du pasteur n'aura rien changé. Maombi ya pastori hayezi kubadilisha kukitu. Les cantiques des saints n'auront rien changé. Nyimbo watakatifu haitakubadilisha kukitu. Le nom du frère n'aura rien changé. Jina ya wanduku haitabadilisha kukitu. Le nom de la sœur n'aura rien changé. Jina ya kuita sema dada haitakubadilisha kitu. Tu ressuscites. Unafufuka. Selon que tu es mort. Paka vile ulikufa. L'église est avec moi. Leti kanisa mnanifuata. Qu'on ne vous trompe pas. Bashimilande, Bashimilongofie. Dieu nous a donné à chacun l'aujourd'hui. Mungu alitupatia kila mmoja wetu leo ya leo ya leo. Aujourd'hui. Leo hii. Si vous entendez mes paroles. Kama ukisikia maneno langu. Nandi si c'est pas le cœur. Usifanye moyo wako kwa mgumu. Car ça une conséquence néfaste. Kwani kuna matokeo ya mbaya. Vraiment très néfaste. La foi. Imani. Nous amène au salut. Inatupeleka ku wokovu. L'incrédulité. Kutokuamini. Nous amène au condamnation. Inatupeleka ku kuhukumiwa. Hukumu. Vraiment une condamnation. Et nous avons lié avec vous. Na tulisoma pamoja na mweye. Les bonnes paroles de David, l'homme de Dieu. Misemo mizuri ya Daudi mtumishi wa Mungu. Qui parlait à son âme. Ule alikuwa anasema na nafsi yake. Il a dit mon âme. Alisema nafsi yangu. Béni l'Éternel. Umushukuru wa milele. Mon âme. Nafsi yangu. N'oublie aucun de ses bienfaits. Usisahau hata kimoja cha matendo yake mazuri. Ne peux pas aussi. Et tu pas aussi devant ton âme. Eti na wewe. Pourquoi tu ne l'exhortes pas? Eti na wewe ausubutishe nafsi yako au iambie. Pourquoi tu ne prie pas pour ton âme? Jia nini auombee nafsi yako? Mon âme. Nafsi yangu. Béni l'Éternel. Umusifu wa milele. Et n'oublie pas. Na ushisabu kamwe. Le bienfait qu'il t'accorde. Matendo mema alikupatia. Puisque c'est lui. Kwani ye ni yeye. Qui pardonne. Dieu qu'on a samé. Même les iniquités. Ata mauovu. Alléluia. Amen. Nous avons dit les iniquités. Tu le sais ma comme mauovu. Sont les forfaits conscients. Ni matendo ile tu kunatenda venye kujua sima ni mwa. L'église est avec moi. Et tu kanisa ina fata. Le péché c'est une chose. Zambi ni mambo ingine. L'iniquité en est aussi. Uovu ayo ni mambo ingine. Il y en a qui ont péché par l'ignorance. Kukubale walitenda zambi mukutokujua. Mais il y en a qui ont péché. Alakini kubale walitenda zambi. Commettant l'iniquité. Venye kutenda uovu. Mais le Dieu en qui nous avons cru. Alakini Mungu mwenye tuliamini. c'est celui qui est capable yenjwe kona uwezo de pardonner et nos péchés ya kusame na mazambi zetu et nos iniquités mauovu yetu. Le problème c'est nous mambo ni sisi d'avancer vers lui tumukaribie avec un cœur sincère na moyo wa uwaki. Alléluia. Amina. Pourquoi cacher ces iniquités? Je nini unaficha uovu yako? Parce que Dieu les connaît. Dieu Mungu yanaijua. Le pasteur ne connaît rien. Pastor asijue kitu. Mais Dieu, Mungu yeye connaît tout chose. Anajua vitu vyote. Amen. Tous nos actes. Matendo yetu yote. Commis dans les cachettes. Ile tulitenda katika uficho. Dans les cachettes. Amen. Amina. Et nous avons dit. Na tulisema tena. Nous sommes sur cette terre. Tuko hapa pa dunia. Ayant un temps éphémère. Denye kwa na muda mfupi. Pour préparer l'éternité. Jua kutayarisha umilele. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Tout dépend de toi-même. Ile unafuatana na we mwenyewe. Et de ce que tu feras de la parole de Dieu. Na kufuatana na kile utafanya na neno la Mungu. Qu'on a appliqué sur ton âme. Ile bali ubiri nafsi yako. Alléluia. Amina. Chacun est responsable. Kila mmoja kona bujito. Nous avons dit, ne regarde ni à gauche. Tulisema sema usiangalie wala kushoto. Ni à droite. Wala kuume. Celui qui est à ta gauche. Ule kukushoto yako. Tu ne connais pas les mobiles qui l'ont amené ici. Aujue ni kitu gani kilimfikisha hapa. Oui, mes frères. Ndio ndugu yangu. Ce que je connais. Kile mimi najua. C'est le mobile qui m'a amené. Ni kifukuzio kilinileta mimi. Mais le tien je ne le connais pas. Ah, huyu mwingine sijue. Ndio kwa maana. Ce que tu fais. Ile unafanya. Ne peut pas influencer. A Yesu kusubutisha. Ma conduite dans la parole. Na mnaangu akujongoza mneno la Mungu hapana. Amen. Et nous avons parlé sur la vie de la des rétrogradations. Na tulisema tena yulu ya maisha ya kurudi nyuma. Rétrograder. Kurudi nyuma. Ne signifie pas te trouver seulement dans le monde. Haina sema unapatikana mudunia hapana. Non. Hapana. Rétrograder. Kurudi nyuma muimani. Peut être ici avec nous. Unawezi kuwa umu mkanisa pamoja nasi. Chanta. Ukunaimba na kuimba. Travailler dans le temple. Unatumika mkanisa. Connu du pasteur. Bana kujua kwa pastori. Mais tu as déjà connu un décalage. Alakini unesha rudi nyuma. Kati avec l'église. Wakati uliaminiaka. Sabsanta l'église. Unofa tu mkanisa. Chauffer le cœur. Ilikuwa naumiza moyo. Ça te fait de trembler. Ilikuwa nakutetemesha. Mais aujourd'hui. Sasa leo. Tu t'absentes. Unalofwa. Avec aisance. Na mumura mwenye kufurahi auna na ushituke. L'église est avec moi. Et kanisa inafuata. Tu pries. Ulikuwa naomba. Peut-être deux trois fois. Ingine mara mbili mara tatu. Par jour. Par siku. Il est arrivé. Ulikuwa nakufikia. De te réveiller la nuit. Ya kuamka usiku. Et prier Dieu. Na kumuomba Mungu. Aujourd'hui. Sasa leo. Siku zimekuwa nzito na mgumu. Les jours sont devenus difficiles et durs. Calculez. Wesabu. Le temps que nous accordons. Wakati ile tunapatia. Pour servir la chair. Jia kutumikia mwili. Et ce que nous donnons. Na ile tunapatia. Pour service de l'âme. Jia kazi ya nafsi. Jugez-en vous-même. Mwe wenye mupate kuamua. Et Frère Branham exhorté disant. Ndugu Branham alikuwa anasubutisha na kusema. Nafsi tombe. Ikunanguka. Du côté où il penche. Muti kunangukia kungambo ile inalalia. Et vous debout. Et tu nesha simama bwima. Ou bien vous avez rétrogradé. Ao nesha rudi nyuma. Donnez la réponse à votre âme. Wewe mwenyewe ulete jibu kwa nafsi yako. Ndugu Branham asema. Encore. Tena. Si la rétrogradation. Yulu ya kurudi nyuma. Chaque chrétien. Kila mkristo. A le devoir de lire la Bible tous les jours. Ego na mapasha kusoma Biblia kila siku. J'ai pitié. Nashikia buluma. J'ai pitié de l'église. Nashikiria kuluma kanisa. Je peux poser la question. Nawezi kuuliza. Si je vous demande, vous êtes de quel tabernacle? Nawezi kumiuliza muku ba mtabernacle kani? Tout le monde va répondre avec ça. Batu bote batajibu na furaha na. Je suis du tabernacle chrétien de Kambove. Niku wa mtabernacle chrétien de Kambove. Cela ne me dit absolument ile, rien. Ile ainifuanye kitu. Paul n'avait jamais posé cette question. Paulo achia uliza ka ile ulizwa vile. Mais sa question était. Ulizo yake ilikuwa ni. Depuis que vous avez cru. Tangia uliaminiaka. Depuis que vous avez cru. Tangia uliaminiaka. Avez-vous déjà expérimenté le baptême du Saint-Esprit? Eti unesha onchaka ko batizwa Roho Mtakatifu? La résurrection première. Ufufuko ya kwanza. A pour condition. Iko na kanuni. Pour aller dans l'enlèvement. Jua kwenda kumkunyanyuliwa. Matokeo. Muri. Leçon doit être appliqué. Muri bana pachi baltie. Et le sceau Namuri est appliqué. Beko na itia. C'est ceux qui ont été vaillants. Yule yabale barikuwa bashuja. Aujourd'hui, je pense que nous sommes les 15. Na wazia leo tuku siku ya mwezi 15. Si je pose la question à l'église. Nikiuliza ulize ukanisa. Qui a lu au moins une ou deux brochures? Nani alisoma kwa brochure moja wala mbili? Le pasteur sera scandalisé. Pastori atakuala. La Bible, Biblia n'est qu'un livre de promenade. Inakuwa tu ni kitabu ya kutembea nacho bule leo. Pour les trajectoires. Juu ya safari. De la maison. Ya kutoka kumlango. À l'église. Na kufika nacho kanisa. C'est une chute. Ile ni kuanguka. C'est une chute. Ni kuanguka. Et le Saint-Esprit me dit. Alakini Roho Mtakatifu ananiambia. Ni ukweli mimi natoka mkusema. Les brochures. Ma brochure. Et la Bible. La Biblia. Sont laissées au prédicateur. Bana yachia paka bahubiri. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Sentons notre misère. Tuone unyonge wetu. Que notre rire na kucheka kwetu se change en pleurs. Kubadilike kuwa kilio. Amen. Nous sommes l'église de la Bible. Sisi tuko kanisa ya mbiblia. Notre modèle se trouve dans la Bible. Mufano yetu inapatikana mbiblia. Les chrétiens de Bere. Bakristo bakubere. Lisez tous les jours. Balikuwa nasoma kila siku. La Bible. Biblia. Pour vérifier. Juu ya kuchunguza. Les enseignements de Paul. Mafundisho ya Paulo. Conforme aux écritures. Kama ilikuwa yenye kuambatana na maandiko. Mais nous ne sommes que les chrétiens. Sasa sisi tuko bakristo ba namna gani? Quelle honte! Aya kani? Quelle honte! Ini haya kani? Si nous ne pouvons lire. Kama tuwezi kusoma. Que dire de la prière? Sasa tutasemea nini yule maombi? Que la Bible dit? Kwani Biblia inasema? Nous pouvons chanter assez. Tunawezi kuimba sana. Nous pouvons lire assez. Tunawezi kusoma sana. Mais jamais assez nous pouvons prier. Lakini kamwe hatuwezi kuomba sana. Les faux croyants. Baminifu ba bongo. Fui la communion avec les dieux. Beko na kimbia ushirika na Mungu wao. Pendant le temps de la prière. Katika wakati ya maombi. Et Frère Branham dit. Na ndugu Branham asema. Ces sont là les chrétiens frontaliers. Bale njo baminifu ba kumpaka. Ils ne peuvent pas entrer dans la terre promise. Abawezi kuingia mwincha malako. Que je pose la question à l'église. Ni ulize kutuulizo kanisa. Qui était là? Nani ulikuwa hako? Le vendredi. Mukazitano. Ça sera un scandale. Itakuwa ni kikwazo. Unatiskandalizo si tona. Alakini unakwaza na nafsi yako. Le jour de la prière. Siku ya maombi. Chacun trouve un prétexte. Kila mtu anapata cha kuhesabia nacho haki. Oh, ta tonome. Aya, ku nafsi yako. Hii ndio zawadi ya kumilaka nayo. Pour monter, pa kupanda, la balance est là. Kipimo kikupale, mizani kupale. L'église me suit? Eti kanisa munafuata? Vous pesez combien pour monter? Kilo yako iko kilo ngapi juu upate kupanda? Mais on te met sur la balance. Bana kuweka pa mizani, pa kipimo. Zéro. Auna na kilo. Tu n'iras pas. Autaenda. Qui vaut ce que valent tes heures? Bei yako ni bei ya matendo yako. Amina. Amina. C'est frère ici, c'est ce qu'il est venu dire ici. Dio. Tu veux que je dise quoi? On a peine à ni semenini. Nous n'avons pas un nouvel évangile. Si c'est à tout nana injili mupia pana. Nous sommes porteurs d'un marteau. Tukuna nyundo wala sando. Nous passons. Tukuna pita. Nous faisons tour à la maison de l'Éternel. Tunazunguka kunyumba ya wa milele. Il y a des tôles qui ont cédé. Huku malata ilitenka. Il y a des tôles qui ont cédé. Malata ilitenka. Donnons un coup de marteau. Tuipike nyundo. Pour que les bruits s'arrêtent. Juu ya makelele simame. Amen. Amina. Lèvons-nous, nous allons lire. Tusimame, tutasoma neno la Mungu. Apocalypse 19. Ufunuo sura yake ya 19. Sept à neuf. Mustari ya saba kufika na kutisa. Réjouissons-nous. Tufuraeni. Soyons dans l'allégresse. Natukue katika shangwe. Donnons-lui gloire. Tumupatie masifa. Car. Kwani. Les noces de l'agneau sont bénies. Makaramu ya mwana kondoo inakuja. Et son épouse. Na bibi harusi wake. Se prepare. Anesha jitayarisha. Son épouse. Bibi yake harusi. Se prepare. Anesha jitayarisha. Elle se prepare comment? Anajitayarisha namna gani? À la récolte de maïs. Mukwenda kuvuna mihindi. Au grisage. Mukwenda kuchimula madini. Au voyage. Mumasafari. Non. Apana. Elle se prépare. Anajitayarisha. Par l'écoute de la parole. Kupitia kusikia neno la Mungu. Et la gymnastique de genoux. Na mamba kutia magoti kuomba. Amen. Amen. Na, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Il est mupewa apate kuvala kitani nzuri. Éclatant. Cha kwangala. Pur. Safi. Car. Wani. Le fin lin. Kitani nzuri. Ce sont les œuvres justes des saints. Ni matendo ya uwaki ya batakatifu. L'église est avec moi. Kanisa munanifuata. Les œuvres. Matendo. Juste. Yawaki. De saints. Yabatakatifu. quelles sont les œuvres que nous récoltons. Ne matendo kani ile tukunavuna. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Atokoleo kwa matendo. Mais nous sommes sauvés. Alakini tunaokolewa. Pour les bonnes œuvres. Juu ya kutenda matendo mema. Et chacun. Kila mmoja. Doit voir. Anapashi kuangalia. Doit récolter. Anapashi kuvuna. Doit goûter. Anapashi onja. Aux bonnes œuvres. Matendo mazuri. Des saints. Ya watakatifu. Qu'on pose la question à l'église. Qui a bénéficié? Nani alifaidia? De ces bonnes œuvres de saints. Kuile matendo mema ya watakatifu? De saints de qui? De Kambov. Ba takatifu a Kambov. Ou bien nous vivons chacun pour soi. Wala tu naishi kila mtu palo ake. La Bible dit. Biblia nasema. Aimez-vous les uns les autres. Mupendane pamoja kwa bengine. Et si le monde. Kama wa mudunia. Constate cela. Banaona vile. Ili diront. Batasema. Vous êtes réellement. Muko kweli kweli. Les disciples de Jésus. Wanafunzi wa Yesu. Nani asosoli yango. Nani ula na shika ile. Nani anayona. Nani anayona pliko. Nani anaitambua. Qui a découvert cela. Qui a senti. Nani arisikia. Le verso d'amour. Mapendo. De l'église de Kambov. Ya kanisa Kambov. Alléluia. Amen. Merci pasteur. Asanti pastori. Yulu. Ah, kwani le felin mkitani nzuri les œuvres justes des saints. Ni matendo ya uwaki ya watakatifu. Et l'ange me dit. Na malaika akaniambia. Écris. Oui, andike. Quand on écrit, wakati wewe unaandika, c'est pour qui est ceux qui doivent lire. Ni juku kweba kuisoma. On a écrit, bali andika, mais vous vous rebellez à la lecture. Alakini mwe munatombokea kusoma. Écris. Uandike. Heureux. Eri wao. Ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Bale venye kualikwa kukaramu ya mwana kondo. Oui, il me dit. Kisha kaniambia tena. Ces paroles. I maneno. Sont véritablement paroles de Dieu. Iku kweli kweli maneno ya Mungu. Amen. Amina. Mettez-vous. Mwikaleni. Je vous avais dit que nalimiambia ya kwamba les sermons sur la résurrection maubiri yulu ya ufufuko doit être dit inapashi kusemewa avec insistance na mukazo sans honte bila haya. Pourquoi Dieu a nini la résurrection ufufuko est véritablement yuko kweli kweli la parole de Dieu neno la Mungu qu'on les croit bayamini ou qu'on les refuse wala baikatale mais ceux de Dieu alakini benye kwa ba Mungu qui ajouteront foi bo wataamini hiyo puisque ce qui vous a été dit juu ile limiambiwa aura son accomplissement itakuwa na kutimilika kwayo. Alléluia. Amina. Quel bonheur. Erigani. D'avoir une invitation. Ya kupata mwaliko. Vers le ciel. Ya kwenda kumbingu. Il y a vie. Kuko bujima. Et vie. Na bujima. Il y a mort. Kuku lufu. Et mort. Na lufu. Il y a résurrection. Kuku fufuko. Et résurrection. Na ufufuko tena. Si vous vivez. Kama ukiishi. Vous vivez pour qui? Ukunaishi juu ya nani? Et vous vivez comment? Na unaishi namna gani? Nous sommes jugés. Tunahukumiwa. De par notre vie. Kupitia maisha yetu. L'intérieur. Ndani. Est traduit. Ikunaonekana. Par les œuvres. Kupitia matendo. Par la vie que vous menez. Kupitia maisha ile kunaishi. Baleveko pembeni yako. Wakati unasema chrétien, ya kwamba uko mkristo. Kedir amen. Banawezi kusema amina. Tu compedir. Au banawezi kusema c'est faux. Ni bia bongo. C'est là de par quoi? Inafuatana na nini? La vie que vous menez. Inafuatana na maisha ile kunaishi. Vous pouvez nous certifier. Unaweza kutuhakikishia. Et vous ne péchez pas. Ya kwamba wewe utendake zambi. C'est bien. Ni mzuri. Je ne vole pas. Sibake. Je ne fume pas. Sifutake tumbako. D'abord. Kwanza. Ce n'est pas ça la chrétienté. Ile aina njobo Kristo. Ça c'est la morale. Ile tu ni adabu. Mais Christ. Lakini Christ. Quand il te regarde. Wakati anakuangalia. Christ, Kristo, quand il prend son livre de souvenirs, wakati anachukua kitabu yake ya ukumbusho, qu'est-ce qui est écrit? Ni nini ile waliandikamo? Puisque, kwani? Nous sommes sur la terre. Tuko pa dunia. Nous voyageons. Tukuna safiri. Sur un chemin. Munjia. De sable. Ya mchanga. Alléluia. Amina. Quand on marche. Wakati unatembea. Sur le sable. Mumuchanga. Nous y laissons. Tukunacha. Des traces. Manyayo. Malama. Hosanna. Hosanna. Pourquoi? Jia nini? Pour faciliter la tâche. Jia kusaidia. À ceux qui nous suivent. Bale banatufata nyuma. Église. Kanisa. Quelles sont nos traces? Manyayo yetu, malama yetu ni nini? Église. Kanisa. Ya ujumbe Abraham. Quelles sont les traces que nous laissons? Ni maalama kani tunaacha. De division. Ya kukabulana. Quelle honte que nous portons. Aya kani ile tunabeba. Toutes les églises disent. Makanisa yote nasema. Bademo ba kukabulana. Le demo de division. Mende ku tabernak. Ale au tabernak. Cela a-t-il honoré Christ? Eti ile na mweshimisha Kristo? Nous sommes sur le chemin. Tuko munjia. De sable. Ya mchanga. Qu'est-ce que nous avons laissé? Ni nini ile tunaacha msawalama? Oui. Ndio. Bako tabernacle. Les gens du tabernacle. Vérité. Ukweli. Bekonai. Izano. Mais lakini kumaombi. Mais à ce qui concerne la prière. Zéro. Abana nayo. Mubiche. Est-ce que vous allez contester? Où est écrit? Ni wapi kule banaandika? Que nous serons champions. Ya kwamba tutayua sana. Dans le polémique des versets. Mouile. Pardon? Mabubiche. Yule mabubiche ma verset. En mettant la vie de prière. Na kusabu maisha maombi. Jésus-Christ. Jésus Christ. Notre modèle. Mufano yetu. Lui. Yeye. Le Seigneur des Seigneurs. Bwana wa mabwana. Lui. Yeye. Qui n'a pas connu de péché. Asikutende zambi. Mais sa vie. Alakini maisha yake. Appliqué. Ilikuwa ya kujitoa. À la vie des jeunes. Maisha ya kufunga chakula maombi. Et de prière. Ya maombi. Mungesenyi. Munachanda. Mungesenyi. Moyo wangu inavuya damu. Moyo wangu nalia. Enoki. Notre modèle. Mfano yetu. Il a vécu. Aliishi. Laisse un témoignage. Aliacha ushuda. Derrière sa vie. Kumukongo nyuma ya maisha yake. Les gens qui ont connu Enoch. Batu wale wali mjua Enoki. On certifié. Wali hakikisha. C'est un. Kwa mauyo mutu. Il est digne. Anastahili. De Dieu. anakustahili kukubaliwa na Mungu. Et c'est là. Na ile a convaincu Dieu. Ilimhakikishia ta Mungu. Il l'a pris. Alimnyanyua. Na pakoni la mort. Yeye asiukufe. Il l'a enlevé. Mungu alimnyanyua. Hii ni picha ya kanisa ya saba ya kanisa. Mais non, lakini sisi à chaque instant que quelqu'un vient, ile wakati mtu akikuja, il te trouve soit chata, anakukuta wala huko na chate ku telephone, soit regarde les images à l'écran, wala unaangalia mapicha ku televisheni, soit wala demande le projet de commerce, unauliza mapu ya biashara. Charnel. Kila mumo. Charnel. Bia kimwili. Charnel. Wa kimwili. Uko baki mwili. Vous êtes charnel, charnel. Même le cœur du pasteur saigne. Hata moyo wa pastori inavuya damu. Je l'ai entendu dire. Nari musikie kona sema. Kama zeli ya mihinji. Pardon? Kama zeli ya kuvuna mihinji. Si le zèle de récolter le maïs. Dans cette église de Kambove. Si c'était ça le zèle. La parole de Dieu. Yenye kwambatana neno la Mungu. Kama hakuna ulatabaki. Alors personne ne pouvait pas rester. Quel malheur. Oh le kanile. Si c'est qu'il a dit faux. Kama kila alisema ni kia bongo. Autant l'humilité. Tutoshe unyenyekevu. Depuis que le mois a commencé. Tangia mwezi ilianza. Combien ont abandonné les lits. Bangapi baliacha bitanda byabo. On refusait la table. Barikata la kula. Pour solliciter les sons. Tu as kuomba muri. Qu'il se lève. Bashimame. Qu'il mette les doigts en l'air. Banyoloshe mkono yabu yulu. Qu'on puisse glorifier Dieu. Fate kumutukuza Mungu. Qui? Nani ule? L'église est là. Kanisa yoi, wazi. Mes frères, bandu kuzangu, santo notre misère. Tusikie unyonge wetu. Avec ça. Na hii. Mais nous chantons toujours. Alakini tukunaimba. Siku yangu. Le jour. Ya kuona Bwana. Et voir mon Seigneur. Inakaribia. S'approche. No. Bia bongo. No. Bia bongo. La femme qui partira. Ule mutu mwanamke ataenda. La Bible dit. Bia nasema. Elle était dans les douleurs d'enfantement. Kwa maumivu ya kuzaa. Elle criait. Wana lalamika. Oh, ta kwa. Aya yako. Église de Kambov. Kanisa ya Kambov. Oh, ta kwa. Haya yako. Quand on jette les regards sur ton parcours. Wakati wanangalia msafari yako. Quelle trace. Ni manyayo gani. Que nous retrouvons. Ile tunapatamo. Sur le sable. Mumuchanga. L'église de Kambov voyage. Kanisa ya Kambov inasafiri. Sur le sable. Pamuchanga. Quelles sont les traces. Ni maalama gani. Une église qui ne prie pas. Kanisa ya sipo kuomba. Quelles sont les traces. Ni manyayo gani. Une église qui ne gêne pas. Kanisa ya sipo funga chakula. Quand on jette les regards sur les traces. Wakiangalia manyayo. C'est une église. Ni kanisa. Bombarde de sacs de maïs. Yenye kunyangula mifuko ya mihindi. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Nous parlons du bonheur. Tunasema mambo ya raha, ya furaha. Le maïs. Mihindi. Ne nous amène le bonheur. A Yesu utuletea furaha. Le véhicule. Magari. Ne nous amène pas le bonheur. A Yesu kamo kutuletea raha. Le mariage. Ndoa. Ne nous amène pas le bonheur. A Yesu kutuletea raha. Si on peut lire les requêtes de l'église de Kambov. Kama tunaweza kusoma mahitaji ya kanisa Kambov. Que Dieu me garde. Mungu anichunge. Je vais aller à Lubumbashi. Napenda kusafiri kwenda Lubumbashi. Pour faire les achats. Ya kuuza mabiashara. C'est bien. Ni mzuri. Pasteur, vanisaidieko. Pasteur, convienne en aide de moi. Ceux qui me doivent. mandeni puisse venir s'acquitter. Bafate kwa kunilipa. C'est bien. Ni mzuri. Je demande à l'église. Naomba kanisa. De prier pour moi. Baniombeye. Ça fait 7 ans. Unakuwa miaka 7. De mariage. Ya ndoa. Je n'ai pas d'enfant. Sina na mtoto. C'est bien. Ni mzuri. Laquelle de toutes ces choses mobile bintu byote mule nikia wapi kile kitatusindikiza kumbingu. Je demande à l'église. Naomba kanisa. De prier pour moi. Baniombeye. Je suis malade. Niko mgonjwa. C'est bien. Ni mzuri. Certainement tu mourras. Akika utaenda. Certainement tu mourras. Akika utakufa. Que tu guérisses aujourd'hui ou non. Ata kama upone leo hapana. Lakini magonjwa mengine kuna kuja. Tout ce que nous avons eu sur cette terre. Biote vile tu kunavyo hapa dunia. Hakuna. Hakuna hata kimoja. Nous rassure du bonheur. Hakuna hata kimoja cha kutuletea raha. Bengine bari bari zalaka leo beko nalia. Oui. Ndio. Les enfants sont devenus des bandits. Batoto banakuwa bajambazi. Les fumeurs de chanvre. Bafutaji ya bangi. Les voleurs. Bezi. La Bible dit. Biblia nasema. Un enfant qui vole chez eux. Mutoto ula naiba kwabo. Est un destructeur. Ni mwaribifu. C'est ça qui était l'objet de toutes tes prières. Jo ile ilikuwa shina ya maombi yako yote. Ta progéniture t'a procuré du bonheur. Uzao yako eti nakuletea raha. Usombie mutuka. Unauza gari. Ubaluki nango. Unanguka nayo. Tu meurs. Unakufa. C'est ça le bonheur. Ile njo raha. Chanel. Chanel. Yakimwili. Bakimwili. Bakimwili. Même vous ici. Atamwe yapa. Niko na isema na roho iko na lia. Je le dis avec un cœur qui pleure. Frère wa kujala na roho mtakatifu. Un frère plein rempli du Saint-Esprit. Mais na mapacho. Avec des lambo. Ana bilato. Il n'a pas de souliers. Muna mjua bien mu kanisa. Vous le connaissez très bien dans l'église. Akuya kulombe bukweli. Qui viennent te tendre la main pour le mariage. Jibu itakuwa je. Ta réponse sera comment? Un frère wende mbele niombe Mungu. Frère, allez-y d'abord, je vais prier. Échappe-toi. Ni kumukimbia tuna mkatana. Kati ya ta mère. Ukimwambia mamako. Ini mikoshi imba kwetu. Ça c'est vraiment une malédiction. Mwenye kujua ya minjo paka uyu. C'est seulement celui-ci qui vient épouser ma fille. Les regards sont tournés où? Macho yako inaangalia wapi? Si ceux qui ont des motos. Wabali weko na mapikipiki. Et ceux qui ont des véhicules. Na wenye kuwa na magari. C'est ça le bonheur. Ile njo raha. Kama wa iza na kuya. Quelqu'un qui a le véhicule s'il venait. Mama zamani anesha kuichika. Ah, déjà là la mama accepte. Alléluia. Alléluia. Maombi yangu Mungu anechika. Vraiment Dieu a exaucé ma prière. Zela. Chunga. Kake kokweila yo. Mambo itakuangukia. Radi itakuangukia. Ah, okay. Radi itakuangukia. Pale batakuonesha sema. Lorsqu'on te dira que uko anendaka. Là où il a l'habitude de partir. Uko mabiro. Il y a des bureaux. Uko anatele mukaka. De l'autre côté aussi. Uko mabiro. Il y a d'autres bureaux. Yo itakuwa kaka. Alors tu diras ah vraiment. Oui ni démon. Celui-ci c'est un démon. Démon ni nani ni wewe. Démon c'est qui? C'est toi ou c'est lui? Vous êtes tous des démoniaques. Moi vote mouku ma démona. Huyu mwenye anakuwa kukufiancer. Celui-ci qui vient te fiancer là lui-même. Ni wakubangani. Il est de quelle tribu? C'est comme ça. Njoma ulizo ya hivi. Existe dans l'église de Kambov. Iko mkanisa Kambov. Et nous nous disons. Na sisi tunasema. Les saints. Batakatifu. De Kambov. Bamu Kambov. Una landa nani? Tu trompes qui? Et Et nous avons lu. Na tulisoma. Heureux. Ya kwamba heri wao. Ceux qui sont invités. Benye kualikwa. Au festin des noces de l'agneau. Makaramu ya mwana kondoo. Ils ont été donnés de se revêtir. Ili bapewa bapate kuvaa. De fin lin. Kitani nzuri. Hi. Safi. Et éclatant. Na kia kwangala. Ta robe. Kanzu yako. Est-elle encore pure? Et ingaliki safi? Elle brille? Ikunangala? Ou bien tu l'as déjà tacheté? Aonesha ipakala mabuchafu. Alléluia. Amina. C'est bien. Ni mzuri. Mkiluba nous chantons. Mkiluba tunaimbaka. Nyanda ya bine yotwa nene pashi. Mambo ya kweli ile tulisema papa dunia. Yali miseke yotwa kunine. Ilikuwa ni mambeko ile tulipanda. Ikavolokwa tukakenda. Bataikumbuka wakati tutaenda kumbingu. Tukavolokwa na bakashala. Batatukumbuka kwa vale batabakia. Wetu. Kazi yetu bataikumbuka mwanda wazo talongele pano wajile habile tulitendaka hapa tingijilele zake tumutumikie Mungu tusichoke tukavolokwa na bakasha batatukumbuka kwa vale batabakia le souvenir maukumbusho ikuwe hakika ya kweli. On va se souvenir de toi en quoi? Que tu étais saint? Est-ce que ta robe brillait, éclatait? Qui les voit? À la première résurrection. Nibana nibale batashiriki kufufuko ya kwanza. Matthieu 27. Matayo sura 27. Hébreux 11. Wa Ebrania sura 11. Nous lisons ces deux écritures. Tout à ce moment, il m'a dit combien. Commençons d'abord par Hébreu. Tuanzie kwanza na wa Ebrania. Onze. Je commence par 32. Wa Ebrania kumi na moja mustada makumi tatu na mbili. Et que dirais-je encore? Tasema tena nini? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Kwani wakati nani kosa juni seme yuli ya Gideoni. De Barak. Yuli ya Baraki. De Samson. Yuli ya Samsoni. De Jefté. Na yuli ya Jefté. De David. Yuli ya Daudi. De Samuel. Yuli ya Samueli. Et de prophètes. Na ya manabi. Qui? Wao. Par la foi. Kwa imani. Vaincure. Des royaumes. Warishinda ma ufalme. Exercèrent la justice. Waritumia uwaki. Obtèrent des promesses. Baripokea malako. Fermèrent les gueules des lions. Barifunga binyo ya basimba. Éteignirent la puissance de feu. Barizima uwezo ya moto. Échappèrent aux tranchants de l'épée. Bariepuka kumakari ya mpanga. Guérirent de leur maladie. Waritunzo na magonjwa. Survoyant la guerre. Barikuwa bashujaa kuvita. Mirant fuite des armées étrangères. Na barikimbiza majeshi ya kigeni. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Na wanamuke walipata bafu yabo kupitia ufufuko. Oui. Ndio. Des femmes comme vous. Banamuke sawa mweye. Ont accepté. Baritikia. Même que les enfants soient mis à mort. Ata batoto yabo baba uwe. Disant. Na kusema. Même s'il meurt. Ata kama banakufa. Le Seigneur. Bwana. Est capable de les ressusciter. Eko na uwezo ya kubafufua. Haba kutupe vikwembe. Ils n'ont pas jeté des pagnes. Ils n'ont pas accusé Dieu d'injustice. Haba kumustaki Mungu kwa musalimu. Mais oui. Mais toi. Quand même toi t'en as coupé. Lorsque ton enfant meurt. Venez vous moquer de moi. Ce Dieu n'est pas miséricordieux. Tu as des malédictions. L'église est avec moi. Et tu gagnes une fois. D'autres furent livrés au tourment. Bengine bari bapeleka ku mateso. Et n'acceptèrent pas de délivrance. Abakuitikia ukombozi. Munanifuata? Est-ce que vous me suivez? Devant l'oppression. Mbele ya bale bari kwana basonga. Ils n'ont pas accepté la délivrance. Abakuitikia bakombolewa pana. Ils n'ont pas fait de concours avec elle. Awa kuitikie wa pati kutembea nabo. S'il faut mourir. Kama inafashi kufa. Mutu uwe. Alors tuwe nu. Mais c'est avec moi. Et tika nisa munafuata. Ils n'ont pas fait de l'injustice. Awa kuitikie uzalimu. Quelle honte. Ayakani. Quelle honte. Ayakani. Pour un avantage matériel. Dieu a faïda tu yakimwili. On cède. On etikia. Et on vend les droits de net. Nakuzisha alali ya buzaliwa bokwanza. Surtout bafanya cash. Surtout les travailleurs, fonctionnaires. Bafanya biashara. Les trafiquants ou les... Les trafiquants sont très menteurs. Bokoyi nangai je sais. Mutani chukia mina yua. Eko sala nini? Itafanya nini? Itafanya nini? Qu'est-ce que ça fera? Faut-il vous cacher la vérité? Et ni mi fiche ukweli? Et vous laisser descendre, atterrir dans la malédiction? Na ni miache mwangukie mulana? Les autres femmes. Banamuke bengine. Les autres croyants. Baminifu bengine. N'ont pas cédé. Aba kuitikie. N'ont pas cédé la délivrance. Aba kuitikie ukombozi baba kombole. Apana. Ils n'ont pas accepté la délivrance. Aba kuitikie ukombolewa. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ili bapate ufufuko ya mzuri. Ya mzuri. Aina ya mzuri kabisa. Ya mzuri kabisa. Ah! Et d'autres. Na bengine nabo. Subir de moquerie. Bari wa chekeleya. O munazeka. Vous avez vieilli. Amone bengine zile tuko na pika tu ma mèche. Vous ne voyez pas les autres comment ils mettent des mèches. Toi bleu ku gauche. De bleu à gauche. Toi jaune pas catch. Des jaunes au milieu. Toi vert qu'au droite. Et de couleur verte à droite. Comment tu es? Et si au, un peu en bas. Tu es au père. On met de couleur blanche. Fatouma Kiki, tu n'es pas avec un crayon. Sur les sourcils, on a appliqué des crayons. Sur les paupières, on a appliqué d'autres comme un devin. Je vais vous poser une question. Tamiuliza ulizo moja. Cette femme-là qui a mis beaucoup d'histoires là, beaucoup de maquillage. Et qu'on a mimba. Elle est grosse. qu'elle aille à l'hôpital pour s'accoucher. Si elle accouchait, elle mettait au monde un enfant qui a toutes ces histoires qu'elle a appliquées sur son visage. Est-ce qu'elle va chanter Alléluia? Mais vous voulez vous moquer de qui? Ça, ça m'en appelle de me checker à Nani. La chrétienté, c'est aller loin de la mondanité. Ni kwenda mbali na vitu ya kidunia. La chrétienté, c'est respecter Dieu. Ni kumheshimu Mungu. Dans sa création. Mu maumbile yake. Toi, tu es quel genre d'homme, un homme là qui ne fait que d'appliquer des produits cosmétiques, tu deviens café. Des ongles sont devenus comme les ongles d'un top. Les dents comme ceux des tops. Alors quand on te regarde, on dit que celui-ci est insensé. Nous nous posons la question, qu'est-ce que tu cherches en cherchant à t'embellir comme une femme? Tu n'as même pas honte de passer devant nous. D'autres subirent des moqueries. Bengine bari bachekeleya. Et des fouets. Na mafimbo. Des chaînes. Ma minyororo. Et la prison. Na bifungo. Ils furent lapidés. Bari bapika mawe. Sciés. Bari bakata na masi. Torturés. Bari bateswa. Mourir tués par l'épée. Bari uwawa na mpanga. Ils allèrent ça et là. Bari kwa naenda huku na kule. Vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Venye kuvala mangozi ya bankondolo na ya bambuzi. Ni kusema haba kukwe na makuta. C'est-à-dire, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas d'argent. Kuuza mankanjo na bilato habana nayo. Achete des robes, des habits, na n'avaient pas. Ils ont accepté de porter même les peaux. Toi, tu t'absentes de l'église en disant, mes habits ne sont pas propres. Ah, je ne suis pas allé à l'église puisque les cheveux étaient sales. Tu es païenne, toi. Persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne. Je ne sortirai pas de la maternité. Parce que tu n'as pas payé tout le nécessaire. Quel est ce verset dans la Bible? Il est chahiri en Biblia iku wapi? Qui dit que pour sortir de la maternité, ya kusema pawe kutoka maternité, il faut une nouvelle dotation. Il n'a pas paka bakuzie bia sasa. Oui frère, anapenda tuanze kutoka maternité na ya zamani. Mse frère, il veut qu'on sorte de la maternité avec les anciens habits. Kama bwana yako hana navyo. Si ton mari n'a pas assez de moyens. Tu peux exhorter nini? Que veux-tu qu'on puisse t'exhorter? Qu'il y a toujours des troubles? Le monde était indigne pour les chrétiens d'autrefois. Dunia ikustaili kwa ba Kristo ba zamani. Aba kuifurai kie. Wena we kama uko na makuti inaisha mulutuko. Usema o frère ali ubira akasema toka paka hivi. Shuku mjanja. Toi aussi, si tu as l'argent, tu termines tout ton argent dans l'alcool. Tu dis non, le pasteur a dit de sortir avec les anciens habits. Tu es vraiment mjanja. Tu es risé. Alléluia. Amen. Dico bien. C'est bien. dont le monde était indigne. Bobale dunia aikuba staili. Errant dans le désert. Barkwana wayawaya mujangwa. Et les montagnes. Na umamilima. Dans les cavernes. Mumashimo. Et les âtres de la terre. Na umashimo ya bulongo. Tout cela. Bale bote bale. À la fois desquels. Bale kwa imani. Il a été rendu témoignage. Bale bashudia. N'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Abakupoke kinye bali balaka. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, Mungu mwenye kututamania kitu kizuri kwetu, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Ili bashifike ukamilifu bila sisi. L'église est avec moi. Eti kanisa inafuata. Aba bajedeon. C'est Gédéon ici. Les hommes comme de Joseph. Batu sabayu ba Yusufu. Ouazbel, un garçon. Figurez-vous un peu, Kiana, dans la pleine jeunesse, Mbuyana Boake, à qui on propose l'acte sexuel, Banamu Lomba, te, afanyo msharati, il a dit non. Alakini yana katala. La femme avait tout dit. Ule mwanamke alimwambia biote. Kamana ni katala, bata kufunga. Si tu me refuses, tu seras incarcéré. Il a dit manfu. Asema ta vile. On l'a arrêté. Bari mufunga. Il n'a pas créé le quoi, la prison. Ashikogope kifungo. Ils attendaient quelque chose de meilleur. Ani walikuwa wanachunga kitu kia kizuri sana. Mais cette chose-là, ye kitu, ils ne l'ont pas obtenu. Abakukipata ta ukipata. On les a placés quelque part. Baliweka fazi fulani. Nous attendons. Alléluia. Anatuchunga. On les a mis quelque part. Baliweka fazi fulani. Nous attendons vous. Beko na michunga mweye. Il ne pouvait pas arriver à la perfection. Pas Villa Sisi. Alléluia. Amen. Laissez les églises dans leurs histoires. Vous avez une vocation sainte. Vous avez une promesse coûteuse. Une promesse de grande valeur. Que le monde ne peut pas donner. C'est pourquoi. Je crois mana. Abstenez-vous. Mujizuize. Même pour la couronne des choses de ce siècle. Ataju ataji tu habites à Padunia i. Les athlètes. Bakupika mbio. Ils abstènent beaucoup de choses. Banajizuiza kanabitu mingi. Pourquoi? Dieu a nini? Il a besoin d'avoir une couronne. Anaitaji apate taji. Et pour la couronne céleste. Sasa Dieu ataji akumbingu. Vous allez les ramasser même dans les photos. Utailoko tata matope. Non. Non, apana. Abstenez-vous. Mujizuize. Efforcez-vous. Mujikaze. Je vous dis la vérité. Vous êtes faible. Ngumuzaifu. Puisque vous avez abandonné la prière. Jumuriacha maombi. Vous êtes faible. Wazaifu. Puisque. Ju. Vous ne méditez pas sur la parole de Dieu. Amufikili tena paneno la Mungu. Quand vous vous rencontrez. Wakati mukikutana. Chantez des hymnes. Muimbe manyimbo ya kiro. Lisez des psaumes. Musome mazaburi. Qui le font? Ni banani banafanyaka vile. Kake. Ho. Moi je ne vous connais pas. Misi mijue. Mais le Saint-Esprit vous connaît. Alakini Rom takatifu na mijua. La Bible dit. Biblia inasema. Ce que je compte toi. Kile mina ukombanisha. Ce que vous avez abandonné. Ni ya kwamba munacha. Le premier amour. Mapendo yenu ya kumwancho. Alléluia. Amen. Ijoyo. Ça, c'est la vérité. Oyo, eza kake na mutema. I. Ata osali sambla, engindi. I, iku maro, atanga muna fa sambla, inengia. Mkumbacho abantu unaweza kufanya sambla. Ndani ya upana wa moyo unajua sema hii ni mambo ya kweli. Nakasakala. Naalisha kaukiaka. Ulisha kaukia. Ah, tu es déjà séché. Quand quelqu'un wakati mutu est exercé anajizuia, anajizuia sous l'onction anasobelea chini quand il vient à l'église ya upako anakuja kanisa asiliko pela anapashu kuwaka moto alisha waka asha waka l'onction qu'il va trouver dans l'église upako atakuta mkanisa salambale inamubeba salamene inampeleka dans les lieux célestes pali paju voilà ceux qui peuvent prophétiser jo vale wanapashu kutabiri. L'église est avec moi? Kanisa iko pamoja nami? Oui. Ndio. L'onction est nécessaire. Upako ni ya mafaa. Est-ce que bien l'anda passer? Est-ce que je mens? Kama Mungu achukupe onction, utahubiri vyaje? Si Dieu ne vous donne pas l'onction, qu'est-ce que vous allez prêcher? Si kuka ukia sabito huyo ya Kasenga. Ça sera sec comme les poissons salés de Kasenga. Oui. Ndio. Dieu. Mungu. Sauve sous l'onction. Ego naokoa chini ya upako. Dieu. Mungu. Guéris sous l'onction. Anatunza chini ya upako. Oui. Ndio. Dieu. Mungu. Prophétise. Anatabiri. Sous l'onction. Chini ya upako. Même la danse dans l'église. Hata kucheza mkanisa. Sous l'onction. Mpaka chini ya upako. Kama ni vya kukaukia. Si se sec. Utaanza kutupikia chiku na huku. Tu vas danser les histoires de Kasayen. Ne veba ke ki Kasai. Chikuna sela dance Kasayen. Chikuna ni mchezo wa Kasai. Tutangu Maringa. Huyu bongo yake. Nzalonde ku celui-ci ment. Roya mkamata. Il n'est pas saisi par l'esprit. Ni butamu ya sente. C'est juste l'onction de la sente. Alléluia. Amina. Quand vous dansez sans que l'onction soit là. Kama ukicheza bila kuwa na upako. Pata kutamani. On va te convater. Mutatuletea ma problème. Ça va t'attirer des ennuis. Adam et Eve. Adam na Eva. Était ni dans le jardin. Barko utupu. Ça n'a pas causé de dégâts. Aikulete bibaya. Wani. Il y avait la gloire de Shekinah. Ilikuwa utukufu ya Shekinah. Alléluia. Amina. L'onction upako doit être protégée. Il n'a pas kukingwa. Quand on se bruye. Wakati una quand on se bruye à la maison. Wakati munakosana, munakosana vous avez des tirs à la maison. Mutengeneze kwa haraka. Pour conserver l'onction. Je mpate kuchunga upako. Vous comprenez? Munaelewa? La nuit, il y avait les pieds qui se bousculaient. Usiku, toc, toc, toc, toc. Allez, quitte, allez, serre là-bas. Vous l'avez, tu vas aller avec un pacachi. Vous mettez le couvre-lit au milieu. À 7h. À Subuya, à 7h. Pantalon Mukifuno. Portez les pantalons. Dada Nae Kikwembe Mukifuno. Faire aussi mes champagnes. Tu n'es pas Mukanisa. Nous allons à l'église. Mounakuya Mukanisa, Jumu Shikieni. Vous venez à l'église pour entendre quoi? Mwenye bwana mashikio. Que celui qui a des oreilles. Alléluia. Amina. Abba bantu abba. Ces gens-ci. Leba Gédéon. Leba Joseph. A Youssoufou. Leba Jephté. Leba Jephté. Ils ont honoré Dieu pendant leur vie. Bari mweshimu Mungu mu maisha yabo. Et la Bible dit ils sont morts. La Bible inasema walikufa. Sans obtenir la chose. Bila kupokea kitu. Qu'ils espéraient. Kile walikuwa natumainia. Dans leur tombe. Mkaburi yabo. Ils étaient séparés. Barako banisho batenganisha. C'est ce que le jeune homme riche là a vu. Njo kile ukiana mtajiri aliona. Lazare. Dans les bras de Abraham. Mkifua ya Ibrahimu. Mais loin de. Alakini. Loin de Mbari nabo alikuwa mbari nabo. Et dans le repos. Et babo mapumziko. Les autres dans le tourment. Bengine katika mangaiko. On a sollicité la communion. Bariomba ushirika bapate ushiriki. Abraham dit. Abraham akamwambia. Entre ces deux groupes. Katikati ya makundi. Il n'y a pas de communion. Hakuna ushirika katikati yetu sisi na mweye. Mais toi tu communies avec les pécheurs comment? Sasa wewe unashiriki na watenda dhambi juu ya nini? Alléluia. Amina. Ils étaient là. Balikuwa pale. Faisant quoi? Barikuwa nafanya nini? Attendant la visitation du Seigneur. Beko na chunga Bwana batembeleye. Il n'était pas là troublé. Abakuwa pale wenye kufurushwa pana. Ils étaient là calmes. Barikuwa musalama. Attendant. Barikuwa na ungojea. La visitation. Kutembelewa na Bwana. C'est ce que Jacob avait dit. Ndio kile Yakobo alisemaka. Sentant sa mort. Vila riona kifo yake. Il réunit les enfants. Akakusanisha batoto yake. Il leur a parlé. Akawaambia. Je le sais. Minajua. Avec exactitude. Na hakikisho yote. Que le Seigneur. Ya kwamba Bwana. Vous visitera. Ata mitembeleyaka. Lors de sa visite. Bila atakuwa kumitembeleya. Ne laissez pas maison. Ici en Égypte. Mushache kamwe mifupa yangu mu Misri. Vous me suivez. Eti mraifata. Qu'est-ce qu'il entrevoyait? Ni nini alikuwa naona. Direction. Alikuwa naona ufufuko. Alleluia. Amina. Quand il est mort. Wakati alikufa. Aller sorti. Pabo kutoka. Bakabeba mifupa yake. Ils ont emporté ses os. Bakenda nayo mumugeni ya Mungu. Ils sont partis avec dans la cité de Dieu. Un jour. Siku moja. C'est Dieu là. Ule Mungu ule. Les a visités. Mari batembeleya. Matthieu 27. Matayo sura 27. Verset 50. Musari 15. Jésus poussant de nouveau un grand cri. Yesu akapasa mara tena sauti. Et rendit l'esprit. Na akatoa roho. Et voici. Tazama. Le voile du temple se déchira en deux. Pazia ya hekalu ikapasuka mipande mbili. Depuis le haut jusqu'en bas. Tangia yulu kufika na chini. La terre trembla. Na bulongo bukatetemeka. Les rochers se fendirent. Na miamba ikapasuka. Les sépulcres s'ouvrirent. Na makaburi ikafunguka. Et plusieurs corps de saints. Na mili mingi ya watakatifu. Qui est mort. Bale bali kufa. Ressuscité. Bakafufuka. Alléluia. Amen. Si les morts ne ressuscitent pas, kama bafu abafufuke, Jésus aussi n'est pas ressuscité. Manake na Yesu na aya shikufufuke. Mais maintenant, sasa hapa sasa, Jésus est ressuscité. Yesu yarifufuka. Soyez certains. Kuna hakikisho. Que les morts en Christ. Ya kwamba bafu katika Kristo. Ressusciteront. Batafufukaka. Ils sont ressuscités. Barifufuka. Étant sortis de sépulcre. Kisha bokutoka mulo makaburi. Après la résurrection de Jésus. Pa ufufuko ya Yesu. Ils entrèrent dans la ville sainte. Bakaingia mumuji takatifu. Et apparurent à un grand nombre de personnes. Na bakaonekana kwa watu mingi. Alléluia. Amen. C'est pas lui. Ni katikati. Ceux qui ont part à la première résurrection. Ni katikati ya bale wengi kushiriki kufufuko ya kwanza. La Bible dit. Kwani Biblia nasema. Kristo. Amura. Mukufa. Il est allé dans les régions inférieures de la terre. Alienda chini ya dunia ya bulongo. Vous me comprenez? Munanielewa? Il les a fait sortir. Arivatosha mo. Le lien de repos. Fazi ya mapumziko. Dans la ville. Ile kwa kamushimo. Aujourd'hui. Leo hii. Les saints n'y sont pas. Batakatifu abana motena. Quand ils ont marché sur la terre. Wakati walitembea pa dunia. En montant. Mukupanda. Il les a amenés. Ariwa peleka. Dans le paradis. Muparadiso. Céleste. Yakumbingu. C'est là qu'ils attendent. Jomu leba na tongojea. Aujourd'hui. Leo hii. Tous nos saints. Batakatifu betu bote. Bamukambo. Wakati banakufa. Abashuke tena chini. Lakini banapanda. Haleluya. Amena. Heri. Heri. Heri. Heri. Ya ufufuko. Heri. Atutashuka. La resurrection. Nous n'allons plus descendre, mais nous allons monter. Haleluya. Amena. Et tous les saints. Na batakatifu bote. de tous les sept âges de l'église. Babizazi yote saba ya kanisa. Qui ont été scellés du Saint-Esprit. Bale balitiwa na muri ya Roho Mtakatifu. L'église me suit. Kanisa mnafuata. Mort ou vivant. Bajima wala benye kufa. Un jour. Siku moja. La trompette sonnera. Parapanda italia. Alléluia. Amina. À la voix d'un archange. Kumulirio malaika mkubwa. Les morts en Christ. Wafu katika Kristo. Ressusciteront. Watafufukaka. Frère. Nduku. Ils vont porter. Batava. Un corps. Mwili. Qu'on appelle. Ile banaita. Corps de résurrection. Mwili ya ufufuko. Oh, Yesu wafuko. Oh, Jésus merci. Ce corps là. Ile mwili ile. C'est un corps mystérieux. Ni mwili mwa ya kiro ya matakano. Ni mwili. Qui voyage. Ile na sabi. À la vitesse de la pensée. Mbio ya wazo. Ces choses ici. Tout a dit compagnie. Nous allons faire un effort jusqu'à ce que nous le vivions. Ce corps-là. Il est mouillé, il est. Ne connaît pas la vieillesse. Yo Aizekake. Nini maman, même si elle est devenue vieille. Même si elle portait la jupe. Elle reste toujours une vieille. La jeunesse n'est pas dans la robe. La jeunesse est dans le corps. Aujourd'hui même si vous amenez les plâtres, vous m'aidez ici. On a ouvert ma plâtre couso. Mes joues refléteront toujours les joues d'un Dieu. Alakini neno. La parole. Neno. Le message de l'heure. Ujumbe wakati. Kama unaishikia. Lorsque vous le faites. Inakukamata. Ça te saisit. Inakukola. Ça te sauve. Oh là là. Ukikufu. Si tu mourais. Muse. Dieu. Ukikufu. Si tu mourais. Kipofu. Aveugle. Kiwete. Un paralysé. À la résurrection. Pa ufufuko. Nous serons. Des jeunes gens. Babiana. Amen. Vous les vieillards, Shishanga, ne vous étonnez pas. Le remède de la jeunesse. Dawa ya wuyana. Le remède de la jeunesse. Dawa ya wuyana. C'est cette parole que vous entendez. Ni neno munasikia. La jeunesse d'aujourd'hui. Buyana waleo. Elle est trompeuse. Ni wabongo. Elle est éphémère. Ni wamunda. Mais la jeunesse à venir. Lakini wuyana elle wakula. Est éphémère. Ni wamilele. Wow. Oh. Wow. Oh. Dans ce corps-là. Mwile mwili. Il n'y a pas de régime. Amuna mambo ma régime à chakula. Dans ce corps-là. Mwile mwili mune. Il n'y a pas de médicaments. Amuna madawa. C'est un corps. Mwile mwili. Parfait. Kamilifu. C'est un corps. Mwili. De gloire. Ya utukufu. Kune. Là-bas. Il n'y a personne qui aura une figure mioche. Tous nous serons des beaux. Personne ne peut convoiter l'autre. Chibote. Tutakuwa. Kitoko. Bazuri sana. Et alors kitoko. Bazuri sana. Kitoko. Tutakuwa bazuri sana. Kitoko. Bazuri sana. Vous savez pourquoi? Munaya Juanin. Partant gutokea de ce temps-là mwile wakati kisha yote Mungu kufanya après que Dieu ait tout fait il y aura un nouveau commencement kutakuwa mwanzo mpya il a demandé la bishaka que Adam avait déchu chier toute vie tout à y vivre nous allons vivre ce commencement-là. Mais si toi tu ne crois pas, il y a la deuxième mort. Kuku kufa kwa pili. La deuxième mort. Kufa kwa pili. Vous savez les étudiants. Munayua venye kujifunza. Kunekala kama examen de repêchage. Il y a les examens de repêchage ya kurudiria mala ya pili. Mule repêchage mukurudiria mala ya pili. Il y a deux possibilités. Kuku manam na mbili. Soit tu vas réussir, soit tu vas échouer. deuxième résurrection. Voilà, njo fufuko ya pili. Mes premières résurrections. Alakini ufufuko ya kwanza. Ni distinction. Ni kuweza na mapoya mingi. Ni distinction. Kuweza na mapoya mingi sana. Makadonjo itakufata. Ne cadeaux vont commencer à te suivre. Hauta préparé tena kintu. Tu ne vas rien préparer. Ulishaweza. Tu as déjà réussi. C'est-à-dire quoi? Manake nini? Ceux qui ont part à la première résurrection. Vale watashiriki kufufuko ya kwanza. Le bonheur. Ra. Ils ont la victoire sur la deuxième mort. Beko na ushindi yulu ya kufa kwa pili. La deuxième mort c'est quoi? Kufa kwa pili ni nini? C'est la sortie de l'esprit de vie. Ni kutoka kwa roho ya bushima. De votre âme. Nafsi yako. Ule. Celui-là. Njoka nyangula biondo. C'est lui-même qui est tout final. C'est, il sort comment? Atatoka namna gani? Quand on va te jeter dans le temps de feu. Wakati watakutupa mutanuru ya moto. Qui a été créé pour Satan. Ile bari mumbia shetani. Et ses anges. Na ba malaika yake. Les hommes iront là pourquoi? Batu batenda mule juu ya nini? Ce sont eux-mêmes. Ni bo benyewe. Qui ont suivi. Ndio bari fuata. Les conseillers. Mshauri. De Satan. Ya shetani. Frère Branham dit. Du Branham asema. Le diable n'a jamais forcé. Quiconque. Shetani ashia kazaka mtu kumufuata hapana. C'est un commerçant. Yeye ni mfanya biashara. Il passe avec ses articles. Enaenda kuzisha vitu yake. Enaenda kubiuzisha. Nikwende vyo hivi. Voici les pagnes, voici les pagnes. Ma mèche yo hii. Les mèches sont ici. Ma verri yo hii. Les verri sont ici. Et pour que mon banabala wa benyewe. Il est lui-même en train de chercher les clients. Ni wenge utaonisha batoto yako. C'est toi qui diras à tes enfants. Mumuyite. Et appelez ce monsieur là. C'est moi, ok. Ok, nous acceptons. Candidat. Ah, mon candidat est là. Est-ce que vous m'écoutez? Il passe lui-même avec ses djengés. Il les a dévêtus. Il porte des histoires. Pour exhiber les corps. Ou... C'est toi qui forces. Allez suivre. Venez, venez, venez. Candidat. C'est toi-même qui as sollicité. C'est toi-même qui sollicite. Tu es venu de toi-même. Le deuxième regard. Kuangalia kwa pili. Unaletaka mambo. Ça amène des problèmes. Mais ceux qui ont pas. Benye kushiriki. À la première résurrection. Ufufuko ya kwanza. On vaincu. Maresha shinda. La deuxième mort. Ile mauti ya pili. Alléluia. Amina. Quel bonheur. Ni raka ni erika ni. Quel bonheur. Ni furaga ni ile. Et ces gens-là. Na bale bantu bale. Sont des juges. Niba amzi. Les juges. Sont des hommes de confiance. Niba tuba kutumainia. Ils sont juges de qui? Niba amzi baba nani? Et pourquoi? Naju ya nini? Pas le job comme mambo. C'est là qu'il y a un problème. Les jeunes filles. Babinti. Kumasomo. À l'école. Mutasambishaka ba jeunes filles bengine. Vous jugerez d'autres jeunes filles à l'école. Juya ma point. À cause des points. Ouais, vous dites que doubler. Toi tu as accepté d'échouer. Vous dites qu'attendre pour céder Mwili. Tu as refusé de céder ton corps. Toutes celles-là qui avaient cédé leur corps. Mutasambishaka. Toi tu les jugeras. Pourquoi? Djianine. Puisque d'abord toi-même. Djoué mounyewe. Tu as été trouvé digne. Uri patikana mounye kusaili. Alléluia. Amina. Les travailleurs. Vous allez juger vos collègues de là où vous faites les pierres. Il y en a qui triquent les ténèbres. C'est ici où il y a des problèmes. Qui peuvent dire apana? Nana wezi kusema non. Niwekeye matenere yangu. Alors écris des forfaits. Mettez seulement les ténèbres qui conviennent. Mujibu. Répondez. Alléluia. Amen. Qui sont-ils? Ni banani. Les martyrs. Benye kufia. Qui ont été décapités. Bariba katabichwa. À cause du témoignage de Jésus. Kwa ajili ya ushuda ya Yesu. Et de la parole de Dieu. Na kwa ajili ya ushuda ya neno la Mungu. Bariba yuda. Beko na lalamika. Se jifla kriye. Disait le cinquième saut. Nous sommes morts à temps. Les âmes qui sont sous l'autel. Manafsi yenye kwa chini ya mazabu. Il crie vengeance. Inali inalalamika. Seigneur. Ulipise kisasi Bwana. Quand est-ce que tu vas venger? Ni wakati kani utalipisa kisasi. Notre sang. damu yetu katolika tasamba katolika sera jige. Vous me suivez? Muna nifuata? Le Seigneur leur a dit, Bwana alibambia, attendez muchunge le nombre de vos compagnons. Uwingi ya wajirani yenu. Qui sont-ils? Ni banani? Ya. Kuko? Benjamin. Benjamin. Benjamin. Benjamina. Mulokolaki ya Joseph. Petit frère à Joseph. Alléluia. Amen. Bale bale wishaka Joseph. Ceux qui avaient vendu Joseph. Ni bakubwa yake. Ce sont ses aînés. Lorsqu'ils sont allés se présenter en Égypte, Joseph, Joseph les a traités avec bienveillance. Un chrétien ne se venge pas. Il a donné à chacun d'eux la part qui lui convenait. Mais à Benjamin, alakini kwa Benjamina, on lui a donné une portion double. Marambili. Alléluia. Amina. Ce sont les 144 000. Ni vale ba mia moja makumi ine na ine ba elfu. Mule amuna muhemba. La inya pa de emba. Amuna muluba. Inya pa de luba. Amuna muyaka. Inya pa de yaka. Amuna muyanzi. Inya pa de nyanzi. Amuna ngombe. Inya pa de gombe. Muko paka bayuda. Il y a seulement des juifs. Alléluia. Amina. C'est là que les témoins de Jéhovah ont fait qu'il bite. John parle va shauri va Jéhovah va riangukia. Oh, beko ba 144 000. Oh, ils sont 144 000. De quelle tribu? Ma kabila kani. C'est pourquoi? Jo kwa mana. Mwache kubishana na hapo. Cessez de vous disputer avec eux. Il ne leur a pas donné de comprendre. Aikubapewe bapate kuelewa. Nous, si, si. Nous sommes l'épouse des nations. Si vivi arusi wa mataifa. C'est nous. Ni si, si. Qui sommes invités. Jo turialikwa. Onos. Kumakaramu. De l'agneau. Ya mwana kondo. Quand nous serons là. Wakati sisi tutakuwa mule. Nous allons chanter un cantique. Tutaimba wimbo moja. Sur la terre. Pa dunia. Aucune église ne le comprendra. Kuna kanisa ta moye le terre. Pakatu. Les 144 000. Bale ba elfu mia moja na makumi ine na ine. Ils vont se demander. Bata juuliza. Qui sont ces gens là-bas? Bale bantu ni banani? C'est nous. Ni sisi. C'est nous qui devrions aller là-bas. Sisi njo tunapashi kwenda kule. On va leur dire. Bata bambia. Asnat. Asnat. Vous connaissez qui est-elle? Munamujua ni nani Asnat? Munamujua. Connaissez-tu Asnat? Unamjua. Connaissez-tu Asnat? C'est qui? Ni nani? Alléluia. Muke wa Yusufu. Vive wa Yosef. La femme de Joseph. Akukuwe mtoto wa Muyuda. Elle n'était pas juive. Vive wa Yosef. La femme de Joseph. Alikuwa bibi mtoto mwanamke wa Mumisri. Elle était une fille égyptienne. Qui représente. Mwenye kunishimamia. Bibi arusi wa Kristo. Ula natokea kumataifa. Ni mwenye. Et c'est moi. Na ni mimi. Conformément à la culture qui dit. Kufatana na andiko nasema. Aujourd'hui. Leo hii. Je tourne le dos à Israël. Mungu anamtupia mkongo Israel. Sasa anaangalia kwa mataifa. Ya kulichagulia. Un peuple. Taifa. Qui porte son nom. Ile inachukua jina lake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dale Baluba. Mubaluba. Il est en vie. Alikuona mo. Amen. Amina. Dale peuple kasayen. Mubakasayen. Il est en vie. Alikuona mo. Dale peuple. Lunda. Mubalunda. Il est à vie. Alikuona kamo. Dans le peuple Congo. Muba Congo. Il est à vie. Alikuona mule. Non pour porter le nom de tabernacle. Apana jua kubeba nyume jina ya tabernacle. Wala ya bamini ya bana. Mais pour porter le nom de Jésus Christ. Jua kufuwa la jina ya Jésus Christ. Amen. Oui mes frères. Dio bantuku zangu. C'est nous. Ni sisi. Asnat. Asnat. C'est nous. Ni sisi. La fille de Misri. Binti wa Misri. De l'Égypte. C'est nous. Ni sisi. La femme. Mouke. Qui va aller au nord. Vula tenda mukara mamana kondo. On nous appelle. Bana tuita. Le fils mal. Mtoto mwanaume. Le fils mal. Mtoto mwanaume. Qui es-tu? Ni nani? C'est un berger. Ni muchunga kondo. Il va paître Ata lisha kondo. Les nations Mataifa. Avec le verge Nankonto. De fer Yachuma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On l'appelle Banamuita Vainqueur Mushindaji. Ah, pas de problème. C'est là où il y a affaire. Vainqueur Mushindaji. Si, si. Nous sommes vaincus nous-mêmes. Le moi est tombé. Mie Nanguka. Shibakasai. Nous les Kasaïens, ça tombe. Shibakatangé. Nous les Katangé, ça tombe. Laissons les royaumes Kasaïens aux Kasaïens. Watch au fan les royaumes Kasaïens aux Kasaïens. Nous portons un seul nom de chrétien. Si c'est à pas tout à coup, tu n'as pas la djina moi, bah Christo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura un peuple. Kuta kwa taifa moya. Qui ne va pas adorer la bête. Il a été mwamini nyama pana. Ni son image. Wala picha nyama. Qui ne recevra pas le sceau, la marque de la bête. Aita pokea muri ya nyama. Ni son sang. Pa uso. Ni sur sa main. Wala pa mkono apana. Ils seront participants aussi. Batakuwa bakushiriki. De la première résurrection. Kufufuko ya kwanza. Mais pas pour aller au ciel. Aina jua kwenda kumbing. Mais. Alakini. C'est pour régner avec nous dans le règne de mille ans. Jua kutawala pamoja nasi mutawalo wa miaka elfu. Alléluia. Amen. Tout cela. Vale bote vale. La base. Musingi. C'est d'abord. Ni kwanza kwanza. Moi. Wamini. Au Seigneur. Mwana. Jésus Christ. Jésus Christo. Bwana Mungu amebariki. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Pour bonne tête. Tu n'as mis chez bichoa. C'est comme moi dans ma volo. Cantique. Taïcha Kabis. Cantique. J'invite le pasteur. Namalika pastori.